Émission d'octobre 2015. Bonjour et bienvenue à cette émission du podcast des éditions de l'avenir. En août dernier, mon papa est décédé, le 3. Puis nous avons eu les funérailles. Puis, panne majeure d'Internet. Nous sommes à la campagne et nous avons perdu le signal pendant pratiquement un mois. Pour retrouver un semblant de signal, nous avons dû finalement nous rabattre sur la technologie cellulaire. Ça fonctionne bien, mais l'inconvénient, c'est que ça coûte très cher. Donc, je suis forcé, quelque part, de ralentir, sinon d'abolir l'ensemble de mes activités sur Internet. Ce qui explique que cette émission sera possiblement la dernière. Enfin, j'imagine. Aussi, si vous voulez entendre, écouter, prendre connaissance de la suite des aventures de Rouletabille, je vous suggère fortement d'aller retrouver le livre audio sur audiocité.net. Mais pour cette émission, nous avons tout de même une capsule nouveauté de Jean Seb qui conclut son entrevue. À toi donc, Jean-Seb. Ici Jean-Seb, et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Au programme aujourd'hui, la troisième et dernière partie de l'entrevue faite avec Adrien Mangold de Prototype S. Mais tout d'abord, je désire vous passer quelques brèves nouvelles. Au cours de l'été, j'ai reçu un message du docteur Garand me demandant si je désirais l'entretenir quelques minutes sur le géocaching. Bien sûr, j'ai accepté. Et j'ai eu le bonheur de parler avec lui rapidement des bienfaits du géocaching sur la santé. Le docteur Garand, qui anime le podcast Lobe Frontal, essaie actuellement d'encourager ses auditeurs à développer de bonnes habitudes de vie, dont la marche. Le géocaching est à portée de tout le monde et ça m'a permis de lui faire un petit topo de ce qu'est le géocaching. Alors, ne manquez pas l'épisode 63 qui était sorti au mois d'août. En terminant, pour ma part, Épicure Shoot numéro 3 sur la fabrication du vin maison est enfin sorti. C'est un épisode que je rêvais de faire depuis très longtemps. Différentes aventures me sont arrivées lors des précédents enregistrements. Parfois, c'est au montage que j'avais trop de bruit. Et puis bon, toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Cependant, je suis très heureux d'avoir sorti cet épisode-là. J'explique comment faire le vin, les étapes requises. Je ne parle pas en détail des produits utilisés. Je les mentionne tout simplement. Alors, on continue avec l'entrevue de Adrien Mangold. Un autre bémol qu'il y a à tous ces enregistrements, c'est que être acteur, ça s'improvise pas et c'est quand même très très difficile. Même si c'est pour jouer quelque chose qu'on a créé, C'est pas, ça aide pas beaucoup. Dans notre tête et le faire sortir, c'est assez différent. Ouais, exactement, exactement. Ouais. T'avais pris ton inspiration de où pour faire le style? Parce que c'est un style de saga qui est très très narré, très beaucoup de textes où est-ce que tu expliques qu'est-ce qui se passe. Et est-ce que tu n'écoutais beaucoup, toi, des sagas avant? J'ai écouté très peu de sagas, il y a quelques. Les plus connus en fait seulement. Hein. Donc moi je me suis arrêté à Nihilbuk et à Reflet d'Acide un petit peu, mais même pas en entier. Donc voilà, je suis resté au basique, à celle de ma jeunesse, on va dire ça comme ça. Ok. T'as pas été perverti par d'autres. Non, je pense pas, non, non. Et le style très narré, il vient simplement du fait que c'est adapté du texte directement, il n'y a eu aucune adaptation. Aucune transformation du texte pour la version audio. Donc tous les passages descriptifs sont restés tels quels, et effectivement, ça donne lieu à de longues descriptions dans la narration audio. Ah, c'est très agréable à écouter, en tout cas. Ben, l'idée, c'était de. Je voulais pas faire une saga audio vraiment. Je voulais plutôt que ce soit entre le livre audio et la saga MP3. Ça donne lieu, voilà, finalement à une narration très, très littéraire, mais avec un environnement audio assez développé, enfin, je l'espère en tout cas, comme on peut en avoir dans les sagas plus classiques. C'est ça, c'était comme le texte est comme souligné par les effets sonores. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est mettre un environnement sonore assez dense au service d'un texte brut. Qu'on pourrait avoir dans un livre papier C'est quelconque. extrêmement bien rendu, en tout Merci. cas. dans l'avenir, est-ce que t'as des projets, soit pour l'écriture? Si la publication se réalise, est-ce que ça va enclencher d'autres choses à ce moment-là? Alors, si la publication se réalise, ça va enclencher. Oui, ça va enclencher d'autres choses, mais. Les projets, je les ai quand même, en fait, hein, publication ou non. Je continue d'écrire. Ce sera pas forcément de la science-fiction, mais je pense que pour l'instant, j'ai pas prévu de m'arrêter, en tout cas. Donc, je continuerai de démarcher, je continuerai d'écrire. Pour l'instant, l'audio est pas prévu, comme je te le disais. Voilà, après, s'il y a publication, bah, ça entraînera une plus forte envie d'écrire encore, et pourquoi pas. Pourquoi pas un retour à l'audio, puisque ce serait éventuellement les lecteurs qui demanderaient l'audio. Absolument. Voilà. Soit les auditeurs demanderont le texte, soit les lecteurs demanderont l'audio, mais c'est une de ces deux perspectives me plairait beaucoup, en tout cas. Okay, donc les textes pourraient être éventuellement disponibles pour les auditeurs qui seraient intéressés ou Pourquoi pas, voilà, j'ai rien encore envisagé de très précis à ce sujet-là, hein, j'attends d'avoir les auditeurs avant de réfléchir à ce genre de questions, mais pourquoi pas envisager effectivement de mettre le texte en ligne pour remercier le public ou à la ou l'inverse. demande. Voilà, ou à la demande. Je serai ouvert à. Je serai sensible en tout cas à ce genre de demande, bien sûr. La gestion des droits d'auteur, est-ce que tu as déjà commencé à gérer ça d'une certaine façon? Oui, j'y ai pensé en faisant l'audio, forcément. C'est pour ça que j'ai pas mis le texte à disposition. Parce que pour le soumettre ensuite à des maisons d'édition, ce texte, c'est quand même mieux de pouvoir leur assurer qu'il n'a pas été mis gratuitement à disposition auparavant. Donc je me protège en quelque sorte. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas le texte en ligne. Absolument. Si l'audio avait été amené à rencontrer un public plus conséquent, j'aurais pu mettre le texte en ligne. Pourquoi pas? Les stratégies, on peut avoir d'autres stratégies, hein. Certains, je pense, préféreront mettre le texte en entier en espérant qu'il soit apprécié et qu'il attire un éventuel éditeur. Moi, je trouve que c'est un risque quand même à prendre, que j'ai pas voulu prendre, tout en me disant Absolument. que. Si les démarches n'aboutissent pas, bah d'ici quelques années, je mettrai le texte accessible gratuitement en ligne, mais je préfère prendre le temps avant de faire ça. Excellente stratégie. Voilà. Je ne sais pas, j'en sais rien, mais c'en est une en tout cas. Je pense que oui, ce serait celle que j'adopterais aussi. Ouais. Ah, est-ce que tu avais des expériences, des anecdotes qui te sont arrivées lors de l'écriture de tes textes? Alors, bon, lors de la rédaction, c'est plutôt calme en général, hein, au niveau anecdote, vu que je suis tout seul devant mon PC, il peut pas m'arriver grand-chose. Non, c'est pas trop de danger. Pas beaucoup de Mais danger. il n'y a pas beaucoup de danger, non. Quoique, hein, on ne sait jamais. Mais non, ce serait plutôt au niveau de l'enregistrement où il y a certaines sessions qui sont assez sympathiques, hein, à mener, surtout quand on enregistre avec des amis qui donnent leur voix. Ça donne lieu en général à des fous rires Assez fantastique. assez fantastiques, voilà. De quoi faire des bêtisiers, ce genre de choses. Donc il y a toujours des moments assez marrants. C'est les plus sympathiques, je pense, dans la création de l'audio, c'est collaborer avec ces différents acteurs. Ouais. Tes autres styles d'écriture, ça ressemble à quoi? Tu disais que là, celui-là, il est très science-fiction, mais les autres, tu disais que c'est un petit peu plus fantastique. Oui, mais ça, il y a très longtemps, en fait. Voilà, je vais un petit peu t'expliquer, du coup. Au tout début, j'étais parti sur de la fantasy, plus précisément. Influencé directement par Le Seigneur des Anneaux, hein, par Tolkien en général. J'étais parti dans un univers héroïque fantasy, comme il y en a des centaines d'autres. Un peu conscient que je n'inventais rien, je me suis dit, on va mettre ça de côté. Et on va plutôt partir sur de la science-fiction, où finalement, ce qui serait le plus important, ce ne serait pas le style en lui-même, mais le scénario. Je prête une grande attention au scénario, au détriment d'un style d'écriture imparfait. J'en ai conscience. J'essaye de créer des histoires qu'on ne retrouve pas partout, et j'espère réussir sur ce point-là. Petit à petit, la science-fiction va revenir vers de la fantasy parce que j'essaye que chaque livre qui est créé s'inscrive dans un grand tout et je compte bien faire glisser mon univers petit à petit de la science-fiction vers la fantasy. Voilà, ce qui est pas évident, c'est un risque à prendre, mais de toute manière je fais ça pour le plaisir avant tout. Donc j'y reviendrai à la fantasy. Ouais, voilà. J'espère que ça répond à peu près à la question. C'est fantastique. Très belle expérience. Je te remercie beaucoup. Ça serait peut-être important de mettre les endroits où on peut te rejoindre, comment on peut faire pour te découvrir et t'apprécier, communiquer avec toi. Alors, pour communiquer, c'est assez simple finalement. Il faut aller voir le site du projet prototype. Alors, il y a le site en lui-même sur lequel, dans l'onglet Contact, on pourra très facilement trouver une adresse mail. Et puis, il y a la page Facebook de Projet Prototype, toujours. On peut aussi me contacter via cette page. Et sinon, les vidéos sont accessibles sur YouTube, sur la page, encore une fois, du Projet Prototype. Je suis resté cohérent. Voilà, donc pour me contacter. Le plus simple reste le site en lui-même avec une adresse mail qu'on peut trouver facilement. Peux-tu me donner l'adresse de la page Internet? Alors, je vais te donner l'adresse exacte. C'est un site WordPress, donc l'adresse c'est https://projetprototype.wordpress.com. Prototype avec un S, bien sûr. Prototype avec un S, tout à fait. Merci de le préciser. Le titre de ce livre-là, ça venait de où, ce prototype S? Alors, initialement, il s'appelle pas prototype S, il s'appelle prototype. Et ce prototype, je l'ai mis au pluriel. Ça, c'est la première transformation du titre. Et ensuite, la majuscule qui était au P de prototype, elle a disparu du P et je l'ai mis sur le S. Ça fait en fait écho au nom des androïdes de ce livre. Pour lesquels je mets la majuscule non pas à la première lettre, mais à la dernière. Donc le titre du livre en lui-même a sa majuscule sur la dernière lettre. Alors certains le prononcent prototype S, mais dans mon esprit, ça reste en fait prototype simplement, au pluriel, sachant que le S s'explique uniquement par cette majuscule finalement. Ah, c'est une particularité qui se retrouve dans l'écriture du livre aussi. Voilà, exactement, c'est ça. Ah, sympathique. Sur l'extrait. Alors oui, on peut peut-être le préciser, il y a le premier chapitre de prototype donc, qui est sur le site. On peut le lire librement avec les quatrièmes de couverture qui sont également sur le site pour tous les autres livres, pour les cinq livres, donc les quatre ou cinq livres ensemble. Je dis quatre ou cinq parce que j'en ai rassemblé deux en fait. Il y avait prototype 1 et 2 initialement qui étaient séparés, puis j'en ai fait un seul et même livre, donc ça fait quatre livres. Et dans le premier chapitre de prototype, donc effectivement, on pourra constater que le nom de Proxy, l'androïde qui apparaît dans la saga, s'écrit avec une majuscule à la fin. Excellent, c'est super. Donc, ben, je te remercie de t'être prêté au jeu. Bah, c'était C'était une... volontiers, hein. Merci à toi de ton intérêt et d'avoir mis ça en place. Très sympa. Ah, c'est super, c'est super. C'est un beau passe-temps. Ça me permet de faire découvrir mes découvertes à d'autres personnes que je ne connais pas et qui découvrent d'autres choses et qui parfois communiquent avec moi et me font connaître d'autres choses. Ouais. C'est une roue qui tourne et j'essaie de la faire tourner du mieux que je peux. Ah bah c'est très très gentil à toi. Et puis dès que tu m'auras fait rencontrer le succès, je te retournerai l'ascenseur, bien évidemment, et je parlerai de toi à tous mes auditeurs. Ça, c'est garanti. Fantastique. J'aurais une petite dédicace. Ouais. Évidemment, évidemment. Ben, je te remercie beaucoup. Passe une bonne pour toi une bonne fin de soirée. Également, merci, et puis à la prochaine. Super. Bonne soirée. Avant de redonner l'antenne à Christian, je désire vous faire part que projet Prototype S est officiellement remis sur les rails. Le chapitre 7, Les enjeux de proxy, est en ligne et que l'épisode 8 est déjà en cours de production et votre humble serviteur sera en effet de la distribution. Si, tout comme moi, vous désirez donner un petit coup de main à Adrien, ne vous gênez surtout pas pour rentrer en contact avec lui, projet prototype avec un S. .wordpress.com. À vous, les studios. Retrouvons maintenant Rouletabille avec le 10e chapitre. Chapitre 10. Maintenant, il va falloir manger du saignant. L'auberge du donjon n'avait pas grande apparence. Mais j'aime ses masures aux poutres noircies par le temps et la fumée de l'âtre, ces auberges de l'époque des diligences, bâtisses branlantes qui ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Elles tiennent au passé, elles se rattachent à l'histoire, elles continuent quelque chose et elles font penser aux vieux contes de la route quand il y avait sur la route des aventures. Je vis tout de suite que l'auberge du donjon avait bien ses 2 siècles et même peut-être davantage. Pierrailles et plâtras s'étaient détachés çà et là de la forte armature de bois dont les X et les V supportaient encore gaillardement le toit vétuste. Celui-ci avait glissé légèrement sur ses appuis, comme glisse la casquette sur le front d'un ivrogne. Au-dessus de la porte d'entrée, une enseigne de fer gémissait sous le vent d'automne. Un artiste de l'endroit y avait peint une sorte de tour surmontée d'un toit pointu et d'une lanterne, comme on en voyait au donjon du château du Glandier. Sous cette enseigne, sur le seuil, un homme, de mine assez rébarbative, semblait plongé dans des pensées assez sombres, s'il fallait en croire les plis de son front et le méchant rapprochement de ses sourcils touffus. Quand nous fûmes tout près de lui, il daigna nous voir et nous demanda d'une façon peu engageante si nous avions besoin de quelque chose. C'était, à n'en pas douter, l'hôte peu aimable de cette charmante demeure. Comme nous manifestions l'espoir qu'il voudrait bien nous servir à déjeuner, il nous avoua qu'il n'avait aucune provision et qu'il serait fort embarrassé de nous satisfaire. Et, ce disant, il nous regardait d'un œil dont je ne parvenais pas à m'expliquer la méfiance. « Vous pouvez nous faire accueil, » lui dit Rouletabille. « Nous ne sommes pas de la police. »« Je ne crains pas la police. » répondit l'homme. « Je ne crains personne. » Déjà, je faisais comprendre par un signe à mon ami que nous serions bien inspirés de ne pas insister, mais mon ami, qui tenait évidemment à entrer dans cette auberge, se glissa sous l'épaule de l'homme et fut dans la salle. « Venez, » dit-il. « Il fait très bon ici. » De fait, un grand feu de bois flambait dans la cheminée. Nous nous en approchâmes et tendîmes nos mains à la chaleur du foyer, car ce matin-là, on sentait déjà venir l'hiver. La pièce était assez grande. Deux épaisses tables de bois, quelques escabeaux, un comptoir où s'alignaient des bouteilles de sirop et d'alcool, la garnissaient. Trois fenêtres donnaient sur la route. Une chromo-réclame sur le mur vantait, sous les traits d'une jeune Parisienne levant effrontément son verre, les vertus apéritives de nouveaux vermouths. Sur la tablette de la haute cheminée, l'aubergiste avait disposé un grand nombre de pots et de cruches en grès et en faïence. « Voilà une belle cheminée pour faire rôtir un poulet !» dit Rouletabille. « Nous n'avons point de poulet !» fit l'hôte. « Pas même un méchant lapin !»« Je sais !» répliqua mon ami d'une voix goguenarde qui me surprit. « Je sais que maintenant, il va falloir manger du saignant. » J'avoue que je ne comprenais rien à la phrase de Rouletabille. « Pourquoi, disait-il à cet homme, maintenant il va falloir manger du saignant ?» Et pourquoi l'aubergiste, aussitôt qu'il eut entendu cette phrase, laissa-t-il échapper un juron qui l'étouffa aussitôt et se mit-il à notre disposition aussi docilement que M. Robert Darzac lui-même quand il eut entendu ces mots fatidiques « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Décidément, mon ami avait le don de se faire comprendre des gens avec des phrases tout à fait incompréhensibles. Je lui en fis l'observation et il voulut bien sourire. J'eusse préféré qu'il daignât me donner quelques explications, mais il avait mis un doigt sur sa bouche, ce qui signifiait évidemment que non seulement il s'interdisait de parler, mais encore qu'il me recommandait le silence. Entre-temps, l'homme, poussant une petite porte, avait crié qu'on lui apportât une demi-douzaine d'œufs et le morceau de faux filet. La commission fut bientôt faite par une jeune femme fort accorte, aux admirables cheveux blonds et dont les beaux grands yeux doux nous regardèrent avec curiosité. L'aubergiste lui dit d'une voix rude « Va-t'en, et si l'homme versant vient, que je ne te vois pas !» Et il disparut. Rouletabille s'empara des œufs qu'on lui apporta dans un bol et de la viande qu'on lui servit sur un plat, plaça le tout précautionneusement à côté de lui dans la cheminée, décrocha une poêle et un grill pendu dans l'âtre et commença de battre notre omelette en attendant qu'il fît griller notre beefsteak. Il commanda encore à l'homme deux bonnes bouteilles de cidre et semblait s'occuper aussi peu de son hôte que son hôte s'occupait de lui. L'homme, tantôt, le couvrait des yeux et tantôt me regardait avec un air d'anxiété qu'il essayait en vain de dissimuler. Il nous laissa faire notre cuisine et mit notre couvert auprès d'une fenêtre. Tout à coup, je l'entendis qui murmurait « Ah, le voilà !» Et, la figure changée, n'exprimant plus qu'une haine atroce, il alla se coller contre la fenêtre, regardant la route. Je n'eus point besoin d'avertir Rouletabille. Le jeune homme avait déjà lâché son omelette et rejoignait l'hôte à la fenêtre. J'y fus avec lui. Un homme, tout habillé de velours vert, la tête prise dans une casquette ronde de même couleur, s'avançait, à pas tranquille sur la route, en fumant sa pipe. Il portait un fusil en bandoulière et montrait dans ses mouvements une aisance presque aristocratique. Cet homme pouvait avoir 45 ans. Les cheveux et la moustache étaient grisselles. Il était remarquablement beau. Il portait binocle. Quand il passa près de l'auberge, il parut hésiter, se demandant s'il entrerait, jeta un regard de notre côté, lâcha quelques bouffées de sa pipe et, d'un même pas nonchalant, reprit sa promenade. Rouletabille et moi nous regardâmes l'hôte. ses yeux fulgurants, ses poings fermés, sa bouche frémissante, nous renseignait sur le sentiment tumultueux qui l'agitait. « Il a bien fait de ne pas entrer aujourd'hui, » siffla-t-il. « Quel est cet homme ?» demanda Rouletabille en retournant à son omelette. « L'homme vert, » gronda l'aubergiste. « Vous ne la connaissez pas. Tant mieux pour vous. Ce n'est pas une connaissance à faire. Eh bien, c'est le garde de M. Stangerson. »« Vous ne paraissez pas l'aimer beaucoup, » demanda le reporter en versant son omelette dans la poêle. « Personne ne l'aime dans le pays, monsieur. Et puis c'est un fier qui a dû avoir de la fortune autrefois. Il ne pardonne à personne de s'être vu forcé pour vivre de devenir domestique. Car un garde, c'est un larbin comme un autre, n'est-ce pas? Ma parole, on dirait que c'est lui qui est le maître du glandier, que toutes les terres et toutes les bois lui appartiennent. Il ne permettrait pas à un pauvre de déjeuner d'un morceau de pain sur l'herbe. Sur son herbe. Il vient quelquefois ici? Il vient trop. Et je lui ferais bien comprendre que sa figure ne me revient pas. Il y a seulement un mois, il ne m'embêtait pas. L'auberge du donjon n'avait jamais existé pour lui. Il n'avait pas le temps. Fallait-il pas qu'il fasse sa cour à l'hôtesse de ses trois lys, à Saint-Michel, maintenant qu'il y a eu de la brouille dans les amours? Il cherche à passer le temps ailleurs. Coureur de filles, trousseur de jupes, mauvais gars. Y a pas un honnête homme qui puisse le supporter, cet homme-là. Tenez, les concierges du château ne pouvaient pas le voir en peinture, l'homme vert. Les concierges du château sont donc d'honnêtes gens, monsieur l'aubergiste. Appelez-moi donc Père Mathieu, c'est mon nom. Eh ben, aussi vrai que je m'appelle Mathieu, ouais, monsieur, je les crois honnêtes. On les a pourtant arrêtés. Qu'est-ce que ça prouve? Mais je ne veux pas me mêler des affaires du prochain. Et qu'est-ce que vous pensez de l'assassinat? De l'assassinat de cette pauvre mademoiselle? Une brave fille, allez, et qu'on aimait bien dans le pays. Ce que j'en pense. Oui, ce que vous en pensez? Rien. Mais bien des choses. Mais ça ne regarde personne. Pas même moi? Insista Rouletabille. L'aubergiste le regarda de côté, grogna et dit « Pas même vous !» L'omelette était prête. Nous nous mîmes à table et nous mangions en silence quand la porte d'entrée fut poussée et une vieille femme, habillée de haillons, appuyée sur un bâton, la tête branlante, les cheveux blancs qui pendaient en mèches folles sur le front encrassé, se montra sur le seuil. « Ah, vous voilà la mère à genoux !» Il y a longtemps qu'on ne vous a vu, fit notre hôte. J'étais bien malin, toute prête à mourir, dit la vieille. Si quelquefois vous aviez des restes pour la bête du bon Dieu. Et elle pénétra dans l'auberge, suivie d'un chat si énorme que je ne soupçonnais pas qu'il pût en exister de cette taille. La bête nous regarda et fit entendre un miaulement si désespéré que je me sentis frissonner. Je n'avais jamais entendu un cri aussi lugubre. Comme s'il avait été attiré par ce cri, un homme entra derrière la vieille. C'était l'homme vert. Il nous salua d'un geste de la main à sa casquette et s'assit à la table voisine de la nôtre. « Donnez-moi un verre de cidre, Père Mathieu. » Quand l'homme vert était entré, le Père Mathieu avait eu un mouvement violent de tout son être vers le nouveau venu. Mais... visiblement, il se dompta et répondit « Il n'y a plus de cidre. J'ai donné les dernières bouteilles à ces messieurs. »« Alors donnez-moi un verre de vin blanc. » fit l'homme vert, sans marquer le moindre étonnement. « Il n'y a plus de vin blanc, il n'y a plus rien. » Le père Mathieu répéta d'une voix sourde « Il n'y a plus rien. »« Comment va Madame Mathieu ?» L'aubergiste, à cette question de l'homme vert, serra les poings, se retournant vers lui, la figure si mauvaise que je crus qu'il allait frapper, et puis il dit « Elle va bien, merci. » Ainsi, la jeune femme aux grands yeux doux que nous avions vus tout à l'heure était l'épouse de ce rustre répugnant et brutal, et dont tous les défauts physiques semblaient dominés par ce défaut moral, la jalousie. Claquant la porte, l'aubergiste quitta la pièce. La mère à genoux était toujours là, debout, appuyé sur son bâton, et le chat au bas de ses jupes. L'homme vert lui demanda « Vous avez été malade, mère Agneau. On ne vous a pas vu depuis bientôt 8 jours. »« Oui, monsieur le garde. Je ne me suis levé que 3 fois pour aller prier Sainte Geneviève, notre bonne patronne. Et le reste du temps, j'ai été tendu sur mon grabat. Il n'y a eu pour me soigner que la bête du bon Dieu. » Elle ne vous a pas quitté? Ni jour, ni nuit. Vous en êtes sûr? Comme du paradis. Alors comment se fait-il, mère Agneau, qu'on ait entendu que le cri de la bête du bon Dieu toute la nuit du crime? La mère Agneau alla se planter face au garde et frappa le plancher de son bâton. Je n'en sais rien de rien, mais voulez-vous que je vous dise? Il n'y a pas 2 bêtes au monde qui ont ce cri-là. Eh bien, moi aussi, la nuit du crime, j'ai entendu, au dehors, le cri de la bête du bon Dieu. Et pourtant, elle était sur mes genoux, monsieur le garde. Et elle n'a pas miaulé une seule fois. Je vous le jure. Je me suis signé quand j'ai entendu ça. Comme si j'entendais le diable. Je regardais le garde pendant qu'il posait cette dernière question, et je me trompe fort si je n'ai pas surpris sur ses lèvres un mauvais sourire goguenard. À ce moment, le bruit d'une querelle aiguë parvint jusqu'à nous. Nous crûmes même percevoir des coups sourds, comme si l'on battait, comme si l'on assommait quelqu'un. L'homme vert se leva et courut résolument à la porte, à côté de l'âtre, mais celle-ci s'ouvrit et l'aubergiste, apparaissant, dit au garde « Ne vous effrayez pas, monsieur le garde. C'est ma femme qui a mal aux dents. » Il ricana. « Tenez, mère Agneau, voilà du mou pour votre chat. » Il tendit à la vieille un paquet. La vieille s'en empara avidement et sortit, toujours suivie de son chat. L'homme vert demanda « Vous ne voulez rien me servir ?» Le père Mathieu ne retint plus l'expression de sa haine. « Y'a rien pour vous. Y'a rien pour vous. Allez-vous-en. » L'homme vert, tranquillement, bourra sa pipe, l'alluma, nous salua et sortit. Il n'était pas plus tôt sur le seuil que Mathieu lui claquait la porte dans le dos et, se retournant vers nous, les yeux injectés de sang, la bouche écumante, nous sifflait, le poing tendu vers cette porte qui venait de se fermer sur l'homme qu'il détestait. « Je ne sais pas qui vous êtes, vous qui venez me dire. Maintenant, va falloir manger du saignant. Mais si ça vous intéresse, l'assassin le v'là. » Aussitôt qu'il eut ainsi parlé, le père Mathieu nous quitta. Rouletabille retourna vers l'âtre et dit « Maintenant, nous allons griller notre beefsteak. Comment trouvez-vous le cidre? Un peu dur, comme je l'aime. » Ce jour-là, nous ne revîmes plus Mathieu et un grand silence régnait dans l'auberge quand nous la quittâmes, après avoir laissé 5 francs sur notre table en paiement de notre festin. Rouletabille me fit aussitôt faire près d'une lieue autour de la propriété du professeur Stangerson. Il s'arrêta 10 minutes, au coin d'un petit chemin tout noir de suie, auprès des cabanes de charbonniers qui se trouvent dans la partie de la forêt de Sainte-Geneviève, qui touche à la route allant d'Épinay à Corbeil, et me confia que l'assassin avait certainement passé par là, vu l'état des chaussures grossières, avant de pénétrer dans la propriété et d'aller se cacher dans le bosquet. « Vous ne croyez donc pas que le garde a été dans l'affaire ?» interrompis-je. « Nous verrons cela plus tard, » me répondit-il. « Pour le moment, ce que l'aubergiste a dit à cet homme ne m'occupe pas. Il en a parlé avec sa haine. Ce n'est pas pour l'homme vert que je vous ai amené déjeuner au donjon. » Ayant ainsi parlé, Rouletabille, avec de grandes précautions, se glissa, et je me glissai derrière lui, jusqu'à la bâtisse qui, près de la grille, servait de logement au concierge arrêté le matin même. Il s'introduisit, avec une acrobatie que j'admirais, dans la maisonnette, par une lucarne de derrière restée ouverte, et en ressortit 10 minutes plus tard, en disant ce mot qui signifiait dans sa bouche tant de choses. « Parbleu !» Dans le moment que nous allions reprendre le chemin du château, il y eut un grand mouvement à la grille. Une voiture arrivait, et du château, on venait au-devant d'elle. Rouletabille me montra un homme qui en descendait. « Voici le chef de la sûreté. Nous allons voir ce que Frédéric Larsan a dans le ventre. » S'il est plus malin qu'un autre. Derrière la voiture du chef de la sûreté, trois autres voitures suivaient, remplies de reporters qui voulurent, eux aussi, entrer dans le parc. Mais on mit à la grille deux gendarmes avec défense de laisser passer. Le chef de la sûreté calma leur impatience en prenant l'engagement de donner le soir même à la presse le plus de renseignements qu'il pourrait, sans gêner le cours de l'instruction. En complément de programme, en collaboration avec audiocité.net, les éditions de l'avenir présentent Nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Le démon de la perversité. Dans l'examen des facultés et des penchants, des mobiles primordiaux de l'âme humaine, les phrénologistes ont oublié de faire une part à une tendance qui, bien qu'existant visiblement comme sentiment primitif, radical, irréductible, a été également omise par tous les moralistes qui les ont précédés. Dans la parfaite infatuation de notre raison, nous l'avons tous omise. Nous avons permis que son existence échappât à notre vue, uniquement par manque de croyance, de foi, que ce soit la foi dans la révélation ou la foi dans la cabale. L'idée ne nous en est jamais venue, simplement à cause de sa qualité surérogatoire. Nous n'avons pas senti le besoin de constater cette impulsion, cette tendance. Nous ne pouvions pas en concevoir la nécessité. Nous ne pouvions pas saisir la notion de ce primum mobile, et quand même elle se serait introduite de force en nous, nous n'aurions jamais pu comprendre quel rôle il jouait dans l'économie des choses humaines, temporelles ou éternelles. Il est impossible de nier que la phrénologie et une bonne partie des sciences métaphysiques ont été brassées a priori. L'homme de la métaphysique ou de la logique, bien plutôt que l'homme de l'intelligence et de l'observation, prétend concevoir les desseins de Dieu, lui dicter des plans. Ayant ainsi approfondi à sa pleine satisfaction les intentions de Jéhovah, d'après ses dites intentions, il a bâti ses innombrables et capricieux systèmes. En matière de phrénologie, par exemple, nous avons d'abord établi, assez naturellement d'ailleurs, qu'il était dans les desseins de la divinité que l'homme mangea. Puis nous avons assigné à l'homme un organe d'alimentivité, et cet organe est le fouet avec lequel Dieu contraint l'homme à manger, bon gré, mal gré. En second lieu, ayant décidé que c'était la volonté de Dieu que l'homme continuât son espèce, nous avons découvert tout de suite un organe d'amativité, et ainsi ceux de la combativité, de l'idéalité, de la causalité, de la constructivité. Bref, tout organe représentant un penchant, un sentiment moral ou une faculté de la pure intelligence. Et dans cet emménagement des principes de l'action humaine, des spurzhémistes, à tort ou à raison, en partie ou en totalité, n'ont fait que suivre, en principe, les traces de leurs devanciers, déduisant et établissant chaque chose d'après la destinée préconçue de l'homme et prenant pour base les intentions de son Créateur. Il eût été plus sage, il eût été plus sûr de baser notre classification, puisqu'il nous faut absolument classifier, sur les actes que l'homme accomplit habituellement, et ceux qu'il accomplit occasionnellement, toujours occasionnellement, plutôt que sur l'hypothèse que c'est la divinité elle-même qui les lui fait accomplir. Si nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans ses œuvres visibles, comment donc le comprendrions-nous dans ses inconcevables pensées qui appellent ses œuvres à la vie? Si nous ne pouvons le concevoir dans ses créatures objectives, comment le concevrons-nous dans ses modes inconditionnels et dans ses phases de création? L'induction a posteriori aurait conduit la phrénologie à admettre comme principe primitif et inné de l'action humaine un je ne sais quoi paradoxal que nous nommerons perversité, faute d'un terme plus caractéristique. Dans le sens que j'y attache, c'est en réalité un mobile sans motif, un motif non motivé. Sous son influence, nous agissons sans but intelligible. Ou si cela apparaît comme une contradiction dans les termes, nous pouvons modifier la proposition jusqu'à dire que, sous son influence, nous agissons par la raison que nous ne le devrions pas. En théorie, il ne peut pas y avoir de raison plus déraisonnable, mais en fait, il n'y en a pas de plus forte. Pour certains esprits, dans de certaines conditions, elle devient absolument irrésistible. Ma vie n'est pas une chose plus certaine pour moi que cette proposition. La certitude du péché ou de l'erreur, inclus dans un acte quelconque, est souvent l'unique force invincible qui nous pousse, et seule nous pousse à son accomplissement. Et cette tendance accablante à faire le mal pour l'amour du mal n'admettra aucune analyse, aucune résolution en éléments ultérieurs. C'est un mouvement radical, primitif, élémentaire. On dira, je m'y attends, que si nous persistons dans certains actes, parce que nous sentons que nous ne devrions pas y persister, notre conduite n'est qu'une modification de celle qui dérive ordinairement de la combativité phrénologique. Mais un simple coup d'œil suffira pour découvrir la fausseté de cette idée. La combativité phrénologique a pour cause d'existence la nécessité de la défense personnelle. Elle est notre sauvegarde contre l'injustice. Son principe regarde notre bien-être. Et ainsi, en même temps qu'elle se développe, nous sentons s'exalter en nous le désir du bien-être. Il suivrait de là que le désir du bien-être devrait être simultanément excité avec tout principe qui ne serait qu'une modification de la combativité. Mais dans le cas de ce je ne sais quoi que je définis perversité, non seulement le désir du bien-être n'est pas éveillé, mais encore apparaît un sentiment singulièrement contradictoire. Tout homme, en faisant appel à son propre cœur, trouvera après tout la meilleure réponse au sophisme dont il s'agit. Quiconque consultera loyalement et interrogera soigneusement son âme, n'osera pas nier l'absolue radicalité du penchant en question. Il n'est pas moins caractérisé qu'incompréhensible. Il n'existe pas d'homme, par exemple, qui, à un certain moment, n'ait été dévoré d'un ardent désir de torturer son auditeur par des circonlocutions. Celui qui parle sait bien qu'il déplaît. Il a la meilleure intention de plaire. Il est habituellement bref, précis et clair. Le langage le plus laconique et le plus lumineux s'agite et se débat sur sa langue. Ce n'est qu'avec peine qu'il se contraint lui-même à lui refuser le passage. Il redoute et conjure la mauvaise humeur de celui auquel il s'adresse. Cependant, cette pensée le frappe que par certaines incises et parenthèses, il pourrait engendrer cette colère. Cette simple pensée suffit. Le mouvement devient une velléité, la velléité se grossit en désir, le désir se change en un besoin irrésistible et le besoin se satisfait, au profond regret et à la mortification du parleur et au mépris de toutes les conséquences. Nous avons devant nous une tâche qu'il nous faut accomplir rapidement. Nous savons que tarder, c'est notre ruine. La plus importante crise de notre vie réclame avec la voix impérative d'une trompette l'action et l'énergie immédiate. Nous brûlons, nous sommes consumés de l'impatience de nous mettre à l'ouvrage. L'avant-goût d'un glorieux résultat met toute notre âme en feu. Il faut que cette besogne soit attaquée aujourd'hui. Et cependant, nous la renvoyons à demain. Et pourquoi? Il n'y a pas d'explication, si ce n'est que nous sentons que cela est pervers. Servons-nous du mot sans comprendre le principe. Demain arrive et en même temps une plus impatiente anxiété de faire notre devoir. Mais avec ce surcroît d'anxiété arrive aussi un désir ardent, anonyme de différer encore, désir positivement terrible, parce que sa nature est impénétrable. Plus le temps fuit, plus ce désir gagne de force. Il n'y a plus qu'une heure pour l'action. Cette heure est à nous. Nous tremblons par la violence du conflit qui s'agite en nous, de la bataille entre le positif et l'indéfini, entre la substance et l'ombre. Mais si la lutte en est venue à ce point, c'est l'ombre qui l'emporte. Nous nous débattons en vain. L'horloge sonne et c'est le glas de notre bonheur. C'est en même temps, pour l'ombre qui nous a si longtemps terrorisés, le chant réveil matin, la diane du coq victorieuse des fantômes. Elle s'envole, elle disparaît, nous sommes libres. La vieille énergie revient, nous travaillerons maintenant. Hélas, il est trop tard. Nous sommes sur le bord d'un précipice. Nous regardons dans l'abîme, nous éprouvons du malaise et du vertige. Notre premier mouvement est de reculer devant le danger. Inexplicablement, nous restons. Peu à peu, notre malaise, notre vertige, notre horreur se confondent dans un sentiment nuageux et indéfinissable. Graduellement, insensiblement, ce nuage prend une forme comme la vapeur de la bouteille d'où s'élevait le génie des mille et une nuits. Mais de notre nuage, sur le bord du précipice s'élève, de plus en plus palpable, une forme mille fois plus terrible qu'aucun génie, qu'aucun démon des fables. Et cependant, ce n'est qu'une pensée, mais une pensée effroyable, une pensée qui glace la moelle même de nos os et les pénètre des féroces délices de son horreur. C'est simplement cette idée. Quelles seraient nos sensations durant le parcours d'une chute faite d'une telle hauteur? Et cette chute, cet anéantissement foudroyant, par la simple raison qu'ils impliquent la plus affreuse, la plus odieuse de toutes les plus affreuses et de toutes les plus odieuses images de mort et de souffrance qui se soient jamais présentées à notre imagination, par cette simple raison, nous les désirons alors plus ardemment. Et parce que notre jugement nous éloigne violemment du bord, à cause de cela même, nous nous en rapprochons plus impétueusement. Il n'est pas dans la nature de passion plus diaboliquement impatiente que celle d'un homme qui, frissonnant sur l'arête d'un précipice, rêve de s'y jeter. Se permettre, essayer de penser un instant seulement, c'est être inévitablement perdu, car la réflexion nous commande de nous en abstenir, et c'est à cause de cela même, dis-je, que nous ne le pouvons pas. S'il n'y a pas là un bras ami pour nous arrêter, ou si nous sommes incapables d'un soudain effort pour nous rejeter loin de l'abîme, nous nous élançons, nous sommes anéantis. Examinons ces actions et d'autres analogues. Nous trouverons qu'elles résultent uniquement de l'esprit de perversité. Nous les perpétrons simplement à cause que nous sentons que nous ne le devrions pas. En deçà ou au-delà, il n'y a pas de principe intelligible, et nous pourrions, en vérité, considérer cette perversité comme une instigation directe de l'archidémon, s'il n'était pas reconnu que parfois elle sert à l'accomplissement du bien. Si je vous en ai dit aussi long, c'était pour répondre en quelque sorte à votre question, pour vous expliquer pourquoi je suis ici, pour avoir à vous montrer un semblant de cause quelconque qui motive ces fers que je porte et cette cellule de condamné que j'habite. Si je n'avais pas été si prolixe, ou vous ne m'auriez pas du tout compris, ou, comme la foule, vous m'auriez cru fou. Maintenant, vous percevrez facilement que je suis une des victimes innombrables du démon de la perversité. Il est impossible qu'une action ait jamais été manigancée avec une plus parfaite délibération. Pendant des semaines, pendant des mois, je méditais sur les moyens d'assassinat. Je rejetais 1000 plans parce que l'accomplissement de chacun impliquait une chance de révélation. À la longue, lisant un jour quelques mémoires français, je trouvai l'histoire d'une maladie presque mortelle qui arriva à Madame Pilot par le fait d'une chandelle accidentellement empoisonnée. L'idée frappa soudainement mon imagination. Je savais que ma victime avait l'habitude de lire dans son lit. Je savais aussi que sa chambre était petite et mal aérée. Mais je n'ai pas besoin de vous fatiguer de détails oiseux. Je ne vous raconterai pas les ruses faciles à l'aide desquelles je substituais, dans le bougeoir de sa chambre à coucher, une bougie de ma composition à celle que j'y trouvais. Le matin, on trouva l'homme mort dans son lit, et le verdict du coroner fut « mort par la visitation de Dieu ». J'héritais de sa fortune et tout alla pour le mieux pendant plusieurs années. L'idée d'une révélation n'entra pas une seule fois dans ma cervelle. Quant au reste de la fatale bougie, je les avais moi-même anéantis. Je n'avais pas laissé l'ombre d'un fil qui pût servir à me convaincre ou même me faire soupçonner du crime. On ne saurait concevoir quel magnifique sentiment de satisfaction s'élevait dans mon sein quand je réfléchissais sur mon absolue sécurité. Pendant une très longue période de temps, je m'accoutumais à me délecter dans ce sentiment. Il me donnait un plus réel plaisir que tous les bénéfices purement matériels résultant de mon crime. Mais à la longue, arriva une époque à partir de laquelle le sentiment de plaisir se transforma par une gradation presque imperceptible en une pensée qui me hantait et me harassait. Elle me harassait parce qu'elle me hantait. À peine pouvais-je m'en délivrer pour un instant. C'est une chose tout à fait ordinaire que d'avoir les oreilles fatiguées, ou plutôt la mémoire obsédée par une espèce de tintouin, par le refrain d'une chanson vulgaire ou par quelques lambeaux insignifiants d'opéra. Et la torture ne sera pas moindre si la chanson est bonne en elle-même ou si l'air d'opéra est estimable. C'est ainsi qu'à la fin, je me surprenais sans cesse, rêvant à ma sécurité et répétant cette phrase à voix basse, « Je suis sauvé ». Un jour, tout en flânant dans les rues, je me surpris moi-même à murmurer, presque à haute voix, ces syllabes accoutumées. Dans un accès de pétulance, je les exprimais sous cette forme nouvelle. « Je suis sauvé. Je suis sauvé. » Oui, pourvu que je ne sois pas assez sot pour confesser moi-même mon cas. À peine avais-je prononcé ces paroles que je sentis un froid de glace filtrer jusqu'à mon cœur. J'avais acquis quelque expérience de ces accès de perversité, dont je n'ai pas sans peine expliqué la singulière nature, et je me rappelais fort bien que dans aucun cas je n'avais su résister à ces victorieuses attaques. Et maintenant, cette suggestion fortuite venant de moi-même, que je pourrais bien être assez sot pour confesser le meurtre dont je m'étais rendu coupable, me confrontait comme l'ombre même de celui que j'avais assassiné et m'appelait vers la mort. D'abord, je fis un effort pour secouer ce cauchemar de mon âme. Je marchai vigoureusement, plus vite, toujours plus vite. À la longue, je courus. J'éprouvais un désir enivrant de crier de toute ma force. Chaque flot successif de ma pensée m'accablait d'une nouvelle terreur. Car hélas, je comprenais bien, trop bien, que penser dans ma situation, c'était me perdre. J'accélérai encore ma course. Je bondissais comme un fou à travers les rues encombrées de monde. À la longue, la populace prit l'alarme et courut après moi. Je sentis alors la consommation de ma destinée. Si j'avais pu m'arracher la langue, je l'eusse fait. Mais une voix rude résonna dans mes oreilles. Une main plus rude encore m'empoigna par l'épaule. Je me retournai, j'ouvris la bouche pour aspirer. Pendant un moment, j'éprouvai toutes les angoisses de la suffocation. Je devins aveugle, sourd, ivre. Et alors, quelque démon invisible, pensais-je, me frappa dans le dos avec sa large main. Le secret si longtemps emprisonné s'élança de mon âme. On dit que je parlais, que je m'énonçais très distinctement, mais avec une énergie marquée et une ardente précipitation, comme si je craignais d'être interrompu avant d'avoir achevé les phrases brèves, mais grosses d'importance, qui me livraient au bourreau et à l'enfer. Ayant relaté tout ce qui était nécessaire pour la pleine conviction de la justice, je tombai terrassé, évanoui. Mais pourquoi en dirais-je plus? Aujourd'hui, je porte ces chaînes et suis ici. Demain, je serai libre, mais où? En collaboration avec Audiocité.net, les éditions de l'Avenir vous ont présenté « Le démon de la perversité », interprété par André-Daniel Drouin, tiré de « Nouvelles histoires extraordinaires » d'Edgar Allan Poe. La musique, composée par Kevin MacLeod, est sous licence Creative Commons. On peut la retrouver à incompetech.com. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Share Alike et est une coproduction d'Audiocité.net et des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez audiocité.net ainsi que l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt. Et ainsi se termine cette émission de la troisième série du podcast des éditions de l'Avenir. Vous pouvez trouver nos émissions sur la page qui les reconsacrée sur Canal Blog, ainsi que sur SenseMap et en transition sur Podomatic. Merci de votre attention. Merci à Jean-Seb d'avoir collaboré aussi fidèlement malgré ses horaires super chargés. Et à une prochaine.